But dreams don't need to have motion to keep their spark alive. Obsession has to have action. Brightens on the drive. Spirits fly on dangerous missions. Imaginations on fire. Focus high on soaring ambitions. Consumed in a single desire. In the grip of a nameless possession. Slave to a driving obsession. Atoll. choses qui valent ne retombent plus. Tout le long, le long. Je me sens si petit, je ne m'envole pas. Si tu sais mourir dans un arbre, à Hyde Park, où je sens déchiré par la Atoll, une réédition attendue depuis fort longtemps. Il s'agit de Tertio, Tertio, un album sorti en 1977, certainement un des plus accessibles du groupe, beaucoup plus simple à première écoute que L'Araignée Mâle, l'album précédent, mais un album très très ciselé, très très sympa également, comme peut l'être, comme pu l'être A Trick of the Tail de Genesis. Une réédition de chez Musia avec un superbe livret comme d'habitude, avec malheureusement pas de bonus tracks comme d'habitude également, mais c'est quand même une réédition qui gagne en ampleur sur le laser. Atoll, Tertio. Auparavant, histoire de se réveiller un petit peu, bon à 10h c'est pas évident, 10h15 pour être précis, un petit rush de 87, un petit rush des familles, extrait de Hold Your Fire, The Mission, avec une superbe envolée de guitare. Et avant de commencer l'émission, quelque chose qui n'était pas programmé, mais de bien sympathique, le hasard fait bien les choses, John Fox, ex-Ultravox, première mouture, Underpass, voilà, quelque chose aussi de bien sympathique. On va attaquer maintenant, il serait temps, on va attaquer les nouveautés, parce que bon, il y en a, et oui, il y a toujours des nouveautés sur le front du progressif. Et on va attaquer avec un gros morceau, Eris Pluvia. Eris Pluvia, c'est italien, c'est tout nouveau, ça vient de sortir également chez Musea. Un album très très très sympathique et symphonique en tout cas, Rings of Earthly Light. Et donc, c'est de 91, un morceau de 17 minutes, à vos cassettes, c'est parti! Eris Pluvia. Thank you. Ah, Marie, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, c'est pas l'heure de Bonaparte, l'émission du rock progressif. Oh, ben oui, t'as raison, on est 15 jours aujourd'hui. Ben, on est dimanche. Ah oui, c'est quelle heure? Ben, c'est 10 heures. Ah oui. Et les bas, c'est quoi qui coule? Eh ben, c'est le bas. Bonaparte, l'émission du rock progressif, le 15 de chaque mois. Voilà donc Eris Pluvia, un groupe italien, Tu sauras de la pluie, mot à mot, Eris Pluvia, et oui, encore quelques restes de latin, même à 10h34. Je vous rappelle que vous êtes sur Brume, la radio étudiante de la région lyonnaise, donc 10h35 maintenant, et ouvrez bien vos oreilles, je sais que c'est un peu dur un dimanche, surtout après les petites excentricités du samedi soir, mais il va y avoir des choses à gagner, oui, il va y avoir un abonnement à Acid Dragon à gagner, et un disque laser. Je précise tout de suite, soyons honnêtes, que le disque laser ce n'est pas du rock progressif, mais bon, c'est quelque chose de bien sympathique, une petite compilation de rock français. Voilà donc à gagner, tout à l'heure aux alentours de 11h, il y aura deux questions. Et ceux qui répondront juste au 78 89 45 05, eh bien auront l'honneur, le privilège et l'avantage de gagner ces somptueux cadeaux, donc un abonnement à Acid Dragon et également donc une mini compilation laser. Voilà donc pour ceux qui se réveillent, et oui, c'est dur, je sais. Il est 10h35 toujours, 36 bientôt, vous êtes sur le 90.7, vous venez d'entendre distraitement Roche, un album de 87, Atoll, Tertio, Eris Pluvia, donc une nouveauté de chez Musea, et on va continuer avec une autre nouveauté de chez Musea, Phésis. Phésis est un groupe de Verdun, un groupe de Verdun qui en est à son deuxième album, c'est Labyrinthe le titre. C'est de 91 et vous m'en direz des nouvelles, mais c'est très très floydien tout ça. You're listening to Bonaparte, the progressive program in Lyon. Le plus terrifiant labyrinthe, nous le possédons tous, enfoui en chacun de nous, dans notre esprit, dans notre peur, dans nos actes. Thank you.